kaka na mokili yoyo confiance ezalite na kopanga motema pota boti na yo bana mami tu m'as dessus chouchou je suis resté ignoble vraiment je suis touché par tout